Lila. Le tintement du carillon de l'entrée nous tire de ce silence. Nous relevons les yeux. Une souriante figure féminine vaguement connue entre. Elle articule d'une voix sonore, mutine. « Je crois que t'as perdu les pédales, Miloche !» En effet, je reconnais, au bout de la fine main de celle dont j'ai appris le prénom quelques jours auparavant, mes pédales disparues. « Bonsoir, Lila. » « Bonsoir, Miloche. T'as retenu mon prénom. Par contre, tu bégais toujours autant. »« Bonsoir, Aimé. »« Bonsoir, Lila. Tu es la bienvenue chez moi. Je t'offre un thé amélioré. »« Avec grand plaisir. Ça va me réchauffer un peu. Je me suis habillé comme un été. J'aurais pas dû. J'ai une chair de poule généralisée. » Lila me tend la paire de pédales que j'accueille en balbutiant en faible remerciement. Elle embrasse la pièce du regard en se frottant les mains, épaules relevées. Son visage est un peu rougi d'automne. Aimé revient avec le grog, lui en annonce la composition d'un ton de majordome. Lila s'empare du bol avec gourmandise, anume le contenu, laisse la chaleur de la céramique ranimer ses mains fines. Je l'observe bouche bée. J'ai l'impression de lire un beau roman d'amour, et je mets des mots inconnus de moi sur mon émoi, sans les comprendre. Elle parle à Aimé. Je n'entends rien de ses paroles, mais je vois distinctement des petits oiseaux très colorés s'échappant de ses lèvres sans se heurter à ses dents blanches. Les volatiles forment un halo à dominante verte et rouge autour d'elle, emplissant peu à peu la pièce. Trois passereaux se posent sur les épaules d'Aimé. Quelques petits animaux de la forêt s'ébattent à ses pieds. Renardeaux, écureuils, cerfs, lapins. Deux chats blancs se poursuivent, sautent d'un pas agile sur le comptoir sans rien déranger. Trois surmulots s'agitent aux côtés d'un serpent qui a l'air d'un pacifisme achevé. Le sol se couvre d'une jeune herbe très verte, très soyeuse, comme agitée d'une brise légère. « Ouhou, t'es avec nous, Miloche ?» D'un coup, tout s'évapore. Animaux, végétaux, chants d'oiseaux. L'atelier des mers retrouve ses couleurs un peu vieillottes et familières. Lila est là. Elle me regarde. Les mots qu'elle a prononcés s'agencent en une phrase dont je saisis le sens. « Oui, je crois que j'étais un peu parti, » réponds-je à la demoiselle. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Je n'étais pas là. »« Ça a l'air plutôt habituel chez toi. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Le fauteuil roulant, c'est pour te donner un style ?» Je lui raconte mon histoire, en omettant beaucoup de détails. Ma parole, quand elle est dirigée vers Lila, ça fait moins fluide, plus balbutiante. Elle peine à sortir, mais c'est normal. Cette fille vient de l'inconnu, il faut que je m'adapte. Et puis elle est... C'est difficile à décrire. Mes organes internes m'envoient des messages impénétrables. Pour me mettre sur la voie, ils me font un peu transpirer le front et les mains. « C'est super pas drôle de se casser une jambe !» conclut-elle dès la fin de mon récit. « T'en as pour combien de temps ?»« 3 mois. »« La vache ! 3 mois en fauteuil roulant ?» Lila siffle d'exclamation. « T'es venu comment ?» On t'a amené ? Aimé m'a dit que t'habites pas tout près. Ainsi, elle a parlé de moi à Aimé ? Aurais-je des trous dans mon armure d'invisibilité ? Comment peut-on me remarquer au point de se renseigner sur l'endroit où j'habite ? Je suis venu en fauteuil. Je dois dire que c'est un peu moins rapide que le vélo. Le plus embêtant, c'est le manque d'éclairage. Vous savez qu'il n'y a même pas de dynamo sur cet engin ? Et puis, il faut pédaler avec les bras, enfin, pousser sur les roues plutôt. Et je n'en ai pas encore l'habitude. Tu me fais marcher ? Non, non. T'es venu de là-bas sur ton fauteuil ? Mais t'es malade, mon pauvre Miloche. Ça, intervient Aimé. C'est plus rapide qu'en béquille. Et puis, il fallait absolument que je vienne, je ne voulais pas provoquer l'inquiétude d'Aimé. T'es formidable. Vraiment formidable, me félicite Lila. « Ça, répète Aimé. » Cette conversation qui m'a pris comme sujet principal commence à me plonger dans l'embarras. Habilement, je la détourne sans retard. « Et vous, Lila, vous avez un vélo ?»« T'as de ces questions, toi ?»« Oui, j'ai un vélo, oui. J'en ai même deux pour tout te dire, au cas où. Je me sens libre à vélo. »« Ah bon ? Moi aussi ?» Je supporte pas d'être enfermé dans ces boîtes en ferraille qui font un bruit terrible, qui polluent, qui puent le gasoil. Moi non plus. En plus, j'ai pas le permis, alors. Moi non plus. Mais bon, je dois avouer que c'est bien pratique. Quand on parle d'automobile, Je manque d'arguments. Dis-moi, Miloche, tu vas pas rentrer chez toi comme ça. Si tu veux, je te ramène chez toi tout à l'heure. Me ramener? Comment? On va trouver une solution. Attends, laisse-moi réfléchir. Lila plisse ses jolis yeux dans une moue craquante de réflexion, le front délicatement froissé, et je surcharge la description avec conscience, car la créature en question constitue un prétexte idéal à l'emploi d'adjectifs et d'adverbes en tout genre. Nous sursautons quand elle crie. « Avec une corde ! Je l'accroche à mon porte-bagage et je te traîne jusqu'à la maison. »« Vous plaisantez ?»« Mais pas du tout. Tu vois une autre solution ?»« On va faire un essai tout de suite. » De toute façon, c'est ça où tu te fais péter le cœur en rase campagne. Je tiens pas à avoir ta mort sur la conscience. Quand même. Tu peux lui faire confiance, Miloche, rajoute Aimé. Lila a des mollets en béton. Je l'ai déjà vu à l'œuvre dans les rues de la ville. C'est une vraie flèche. Ouais, peut-être, mais vous savez, je ne suis pas léger, léger. Et puis avec le fauteuil. Je te dis que ça ira, Mimi. Je peux t'appeler Mimi? Bon, on se bouge? D'accord. C'est vrai que je suis un peu fatigué ce soir. En revanche, je préférerais que vous m'appeliez Miloche, si ça ne vous gêne pas. Ok, va pour Miloche. Vous auriez une corde, Aimé? Je vous la rapporterai demain. Mais bien sûr, je vais te trouver ça, Lila. C'est une vraie caverne d'Ali Baba ici. Tu peux pas t'imaginer. Aimé disparaît dans l'arrière-boutique, je le suis. Je dois aller faire mes achats dans mon épicerie privée. Cela me permettra aussi de me retrouver un peu seul avec lui. Car bien que Lila ait l'air d'une gentille fille, elle a tendance à occuper l'espace physique et sonore, et j'ai du mal à me concentrer sur mes pensées. À ses côtés, je ne suis pas en mesure de mener de façon satisfaisante ma conversation hebdomadaire avec Aimé. L'énergie de Lila m'ôte toute la mienne. Je me sens faible, presque parasite, simple observateur muet. Sans compter que, comme je l'avais déjà noté à la suite de notre brève rencontre dans le parc, cette jeune fille me trouble, m'embrouille les méninges et bouleverse mes habitudes, mettant sans dessus-dessous mon rythme paisible. La chose n'est pas tout à fait désagréable, mais elle arrive avec une sorte de féminine brutalité, pour moi effrayante. Seule avec Aimé, dans sa sphère de calme et de bienveillance, je récupère une partie de ma sérénité. Les repères peu à peu retrouvent leur place. Il est important que je n'oublie rien dans mon emploi du temps sous peine de... Sous peine de quoi, d'ailleurs? Dis donc, Miloche, j'espère que tu vas faire ce que Lila t'a proposé. Je t'aurais bien ramené, mais tu sais que je ne conduis plus depuis longtemps. Avec mes yeux... Ne t'inquiète pas, Aimé, je vais me débrouiller. Je n'habite pas au bout du monde, tu sais. Je crois que je vais essayer de rentrer tout seul. La méthode de Lila me paraît un peu hasardeuse. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je te connais comme si je t'avais fait. Des fois, je me demande... Tu peux lui faire confiance. On dirait pas, mais elle a la tête sacrément bien vissée sur les épaules. Tu vas voir, j'ai du bon cordage, bien solide. Je crois que je l'ai mis par là. Aimé soulève des tas de choses dans son fourbi en continuant à me parler. Je le vois ouvrir des tiroirs, remuer des papiers jaunis, pousser des tas de clous, des vis, des crochets rouillés, renverser un bibelot en forme de chat qui se casse dans un juron. Les monticules de poussière et de moutons accumulés doivent se demander ce qu'ils ont fait pour qu'on les dérange de la sorte. « C'est plutôt original comme remorquage, tu sais, » dit-il en relevant la tête. « J'ai rarement vu ça. » Aimé replonge dans son fourbi. Il remonte à l'air libre quelques instants plus tard, hilar. « Si tu rencontres quelqu'un sur la route, il va arrêter l'alcool à vie. Elle n'est pas banale, celle-là. Ça me plaît, son idée. Ça me plaît. Dommage que je ne sois pas là pour vous suivre. » Puis Aimé disparaît à nouveau, tête en avant. J'entends sa voix étouffée. « Attends, oui. Peut-être dans ce tiroir, là, en bas. Ah, t'es trop fort, Aimé !» hurle-t-il en s'autocongratulant. « Je l'ai trouvé. Regarde-moi ça, Miloche. Elle fait au moins 15 mètres. Ça s'appelle une écoute chez les marins. Très fin, très costaud. Ça fait plus de 40 ans qu'elle ne me quitte pas, celle-là. Tu pourras la garder ?» Je te la lègue de mon vivant. Un petit souvenir de mes années de service dans la marine. Merci, Aimé. C'est très gentil. Il va falloir l'accrocher solidement. Je n'ai pas envie que Lila me perde dans la nature. T'inquiète pas. Les nœuds, ça me connaît. Impossible qu'il se défasse en route. Je peux te l'assurer. Bon, je te fais confiance. Dis, mais tu ne m'en veux vraiment pas pour mon retard? Tu n'as pas cru que je t'avais abandonné? Toi? T'es plus fidèle qu'un chien, et je dis pas ça en me moquant, tu sais, comme je respecte ces animaux. T'es la personne au monde en qui j'ai le plus confiance. D'ailleurs, je resterai quand même ouvert tous les toutes les troisièmes nuits de chaque semaine, pendant ta convalescence. Si tu viens pas à cause de ta jambe, c'est pas un problème. Je me prendrai un bon polar, j'écouterai la radio, je bricolerai. En tout cas, je m'ennuierai pas. Et puis, personne m'attend à la maison. Mais me fais pas poireauter de moi non plus. J'ai besoin de te voir, moi. Merci, Aimé. Ça me touche beaucoup. Avant que le silence ne s'installe, Aimé le rompt à sa manière débonnaire. Allez, Miloche, ça suffit, les pleurnicheries. Prends le cordage et rejoins Lila. Elle doit se demander ce qu'on fait. Tiens, je t'ai mis quelques provisions dans un sac. Tu pourras tenir un moment. File, vite. Allez. Quand je reviens dans le magasin, Lila est en train de tester les freins d'un vélo poussiéreux en exposition. Elle se retourne au bruit du grincement que je produis, faisant tournoyer sa robe légère, et je vois la scène au ralenti. Encore une fois, je suis spectateur. Son visage, son corps, ses gestes, tout chez elle semble n'être là que pour me faire perdre ma contenance. Au prix d'un effort surhumain, je parviens cependant à bredouiller quelques paroles inintelligibles pour lui faire part de notre découverte. Quand je tends la corde vers elle, elle tombe à mes pieds, lâchée par des mains qui ont perdu tout contrôle. La totalité de mon être, de muscles et de mots, s'amollit franchement, aspirée par le trou noir derrière mes côtes, en haut, à gauche. Par chance, je suis assis. Cela m'évite de tomber plus bas. Mes yeux se portent sur la corde gisant à terre, puis sur Lila, dont le visage se fend d'un large sourire. « Et tu voulais rentrer seule? T'as vu dans quel état tu es ?»« Vous avez raison, je me sens un peu flagada. »« Allez, au boulot !»